Chez Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini et Chibougamau, venez voir le F-150 avec la technologie d'aide au conducteur Ford Copilot 360 offerte en option. En plus, le F-150 est équipé du système ProTrailer Backup Assist qui facilite la marche arrière avec n'importe quelle remorque. Obtenez-le à un taux annuel de 0% à l'achat jusqu'à 84 mois et 4 500 $ de rabais sur les F-150 2020 sélectionnés. Jean Dumas Multiconcessionnaire. Au moins, peut-être même 8 mois qui est parti. OK. On va parler de boxe avec notre ami Bernard Barré. Kim Clavel, c'est un combat important ce soir pour Kim Clavel. Elle va affronter Nathalie Gonzalez. Salut Bernard. Hey, salut Danny. Bernard, Kim Clavel qui a une fiche qui est invaincue, si je m'abuse, sur la scène professionnelle, va affronter Nathalie Gonzalez. Un dossier de 6-0. Je suis sur BoxRec. Puis, OK, Clavel, je l'ai s'affiche. J'ai 11-0 dans le cas de Clavel. 2 KO. Nathalie Gonzalez, 6-0. Donc, à quoi s'attendre pour ce combat-là? Ben là, c'est deux boxeurs invaincus. Mais pour Ken Clavel, là, c'est une occasion exceptionnelle. Elle va boxer sur un show de top rank. Elle a obtenu ce combat-là. Et si elle devait l'emporter, bien entendu, et bien figurer, pour avoir à être réinvité. Et ça, quand on est rendu là, à Top Rank sur le réseau, ESPN sur le réseau américain, ben là, c'est le jackpot est là. Donc, pour elle, au-delà de la victoire, il faut qu'elle donne une grande performance. Mais amener jusqu'à date, elle nous a toujours habitués à ça. Elle a 11 victoires, aucune défaite. Ses combats sont toujours spectaculaires. Elle a un style qui est très offensif. Donc, elle ne fait pas dans la dentelle. Et c'est pour ça qu'on peut penser, compte tenu qu'elle a le double d'expérience en boxe professionnelle de son adversaire, le double d'expérience aussi en boxe amateur. Son adversaire a déjà gagné 2 fois les Ganderies de New York, gagné les Ganderies de l'État de New York. Mais de notre côté, elle a une 40aine de combats d'expérience amateur. Alors que Kim Clavel, elle, a une grande carrière amateur. Elle était même classée 5e au monde. Elle a été championne canadienne à plusieurs reprises, championne nord-américaine, championne continentale. Donc, on peut penser que sur papier, elle est la favorite, mais c'est toujours, on sait le combat de boxe des fois, là, il y a quelqu'un qui tombe sur ton numéro, puis ça te met mal à aller. Mais d'un autre côté, elle est bien encadrée aussi par Daniel Bouchard et par Stéphane Lavouche, qui sont les deux entraîneurs qui sont là avec elle là-bas. Ils l'ont bien préparée. Ils ont fait en sorte justement de bien étudier le style de Nathalie Gonzalez, qui elle non plus ne fait pas dans la dentelle. Donc, ils pensent avoir la recette pour faire en sorte que Kim sorte de là avec les grands honneurs et que la suite soit fabuleuse pour tout le monde. Juste une parenthèse, Bernard. Tu viens de dire ESPN Top Rank. Est-ce que ESPN a remplacé HBO? Tu sais, HBO, boxer chez HBO, c'était prestigieux. Est-ce que maintenant, ESPN, c'est le nouveau HBO? Tu comprends-tu ma question? Ben là, c'est certain qu'ils prennent beaucoup de place. Mais d'un autre côté, on sait aussi des grands réseaux. On peut parler de Showtime, on peut parler de DAZ en Europe. Tu sais, c'est vraiment des grands réseaux. Mais à partir du moment que tu réussis à toucher ESPN ont été les plus rapides là, pour la relance, le déconfinement, la relance de la boxe professionnelle. Et eux, bon, il y a un mariage avec Top Rank, et on sait Top Rank, Bob Arum, on sait à quel point c'est prestigieux. Donc, d'être capable de s'approcher de ça, bien, c'est bon pour ta carrière. Puis je vais te dire encore plus, dans le moment, c'est là pour que tu sois. C'est parce que, de notre côté, avec tout ce qui se passe au Québec, de malheureux concernant notre sport, mais là, c'est mieux de te faire des amis à l'extérieur parce que tu vas sécher en maudit. Ben, c'est ça. Puis la boxe, ben, c'est pas nécessairement si tu perds. Tu pourrais perdre ce soir, mais si tu livres un combat, ben, c'est plus vrai dans l'UFC, là, par contre, là, mais c'est vrai à la boxe aussi. C'est pas nécessairement de perdre, c'est comment tu perds aussi. Là. Hein? Oui, effectivement. Et puis Arturo Gatti nous a donné une belle preuve de ça parce qu'Arturo Gatti a perdu plusieurs combats. Mais les batailles étaient tellement extraordinaires, les batailles étaient spectaculaires que finalement, les gens broyaient pour le revoir. Donc, pour lui, même dans la défaite, il gagnait. Ouais. Donc, tu t'attends une victoire de Clavel, quoi? Je m'attends à une victoire par décision. On est chez les Mimouches, 108 livres. Et Gonzalez, quand même, tu sais, je parle de moins d'expérience, mais on en a quand même beaucoup, là. C'est une fille qui est au gymnase tout le temps, et puis comme je t'ai dit, une carrière de quarantaine de combats amateurs et quelques tournois aux États-Unis. Donc, à ce moment-là, on peut s'attendre à ce qu'elle vende chèrement sa peau. J'ai l'impression que le combat risque d'être serré, mais Kim Clavel est très dynamique, hein? C'est très agressive, dynamique, et c'est une boxeuse qui lance en volume. Là. On sait là, le nombre de coups, là, c'est incroyable là, qu'elle elle lance en combinaison régulièrement. Daniel Bouchard a parlé d'une bataille au début, peut-être du jab. Elle est convaincue que le jab de Clavel va être meilleur que celui de Gonzalez, qui va lui permettre de s'installer. Et par la suite, ben, on sait que Kim Clavel, si tu t'approches d'elle, elle va travailler avec ses deux bras et elle va lancer énormément de coups. Maintenant, avant de parler de ce qui se passe avec notre cher Horacio Arruda, j'aimerais te savoir, il se passe quoi avec Marielle Dicker? Avant le COVID, elle avait un combat avec Clarissa Shields, c'était booké, je pense que c'était en avril. Là, on sait que ça va être aux États-Unis. La date est-tu bookée officiellement, là, ou c'est sous bas de ce bouquet? Ben là, c'est rendu, c'est pas moi à l'annoncer, là, mais dans le fond, là, ça serait supposé être au mois d'août, donc le mois prochain, à Machan Taket au Connecticut. Donc, Clarissa Shields. Faut pas que Marie-Ève, faut pas échapper ça, là. Non, parce que Clarissa Shields, c'est la meilleure boxeuse actuellement sur la planète. C'est probablement la meilleure boxeuse de l'histoire. Mais pour elle, Marie-Ève, c'est quoi, c'est ça? C'est pas nécessairement de gagner. Pour Marie-Ève, c'est pas nécessairement de gagner, mais de bien performer. Quand je te disais ça tout à l'heure, Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser quand Eric Lucas a été boxé contre Roy Jones. Ouais. Roy Jones, à ce moment-là, était considéré comme le meilleur lead-for-lead sur la planète. Ouais. Bon, là, c'est sûr que là, on veut bien gagner. Là, tout le monde veut gagner. Marie-Ève n'a jamais perdu. Mais on sait que la commande est grande. Mais d'un autre côté, tu as l'occasion, parce que là, ça va être un combat qui va être suivi énormément sur la scène internationale. Une unification de titre mondial avec Clarissa Shields. Je peux pas voir quand, après, dans la carrière de Marie-Ève Dicker, je souhaite une longue carrière, mais qu'elle va avoir autant de publicité, autant d'attention dans un combat de boxe. Quand tu réussis à toucher la meilleure au monde, wow! T'es sur le ring avec elle. Fait que là, Marie-Ève Dicker, elle va avoir à bien se préparer, parce que là, elle va avoir vraiment tout un adversaire là, devant elle. Comme j'ai dit, là, je m'avance, là, mais pour moi, Clarissa Shields, c'est la meilleure boxeuse au monde de l'histoire. Ah, c'est sûr. Bernard, bon, on va parler de ce qui nous intéresse. La dernière fois, on avait fait une table ronde. La nouvelle venait juste de tomber. Vous étiez tous les deux assommés, pas de côté et également toi. Là, depuis ce temps-là, il y a eu un regroupement. Moi, j'ai entendu ça au 91-9, les six associations de sports de combat. Qui sont la boxe, les arts martiaux mixtes, je ne pense pas qu'ils sont là-dedans. Il n'y a pas d'association, les arts martiaux mixtes. Hein? Vous êtes six associations. Vous avez tenté de faire front commun et la santé publique n'a même pas voulu rencontrer. C'est ce qu'on a su, c'est ce que j'ai entendu au 91-9. Vous allez faire quoi? Il va se passer quoi? Mais là, quand tu parles d'année des sports, c'est les fédérations sportives, là, sont. Fédérations sportives qui sont au stade olympique, là. C'est de sport amateur, là, de sport de combat. Eux autres ici, là, sont poignés deux pieds dans le ciment, là, à cause de ça. On sait, il y a les Olympiques l'année prochaine, là. Imagine-toi, là, comment les boxeurs peuvent souffrir de ne pas être capables de s'entraîner, de faire des combats d'entraînement, puis tout est compliqué. Eux autres parlent des envoyés en Alberta, là. Donc, tu sais, c'est. On est vraiment tout le monde, autant amateur que professionnel, dans une situation déplorable où on se sent pas écouté. Top Rank avec ESPN, tu sais, quand on parle de bulle, ben eux ont créé une bulle et puis il n'est arrivé rien. Là. Ça fait deux mois, là, deux combats par semaine, à deux programmes quand c'est pas trois par semaine, et il n'est rien arrivé. Les gens sont testés, le promoteur qui paye pour ça, c'est pas la santé publique qui paye pour ça. Là. C'est le promoteur qui paye pour ça. Les privés, les gens sont testés. Il y en a un qui est positif dehors avec le monde alentour de toi, ton coach, bon, etc. Bon. Et c'est pas arrivé. car ces bulles-là, ils ont fait le ménage avant, et c'est jamais arrivé qu'une fois que le programme de boxe est terminé, qu'il y a quelqu'un qui a déclaré. Tout le monde en passe les tests. Ben, tout le monde est correct. Ben, c'est sûr, parce qu'ils sont tous négatifs avant que ça commence. Ouais. Donc, ils ont été testés et retestés. Donc, pourquoi que dans le moment, ça se passe comme ça aux États-Unis? Et là, ça a commencé en à passer partout aussi, dans le monde. Partout dans le monde, là, ils ont comme déconfiné. Ouais, ouais, ouais. Et ils vont avec ça. Fait que là, l'affaire qui se passe, c'est que nous, là, on avait, je pense, une business là, qui était intéressante. Et quand on parlait d'Amérique, on parlait d'un trio, là, New York, Los Angeles et Montréal. Et Montréal aussi, en pensant qu'on a des programmes à Québec. Mais on était une plaque tournante de la boxe professionnelle. On a une fierté par rapport à ça. On sortait du placard. On a produit des champions du monde incroyables dans les dernières années. On en a encore avec Beterbiev, Pascal, qui sont présentement champions du monde. Et là, on est mis de côté. Ce qui va faire en sorte que les boxeurs vont régresser, vont perdre leur position au classement, et que là, les ceux qui sont ici en développement vont penser retourner chez eux. Alexine Mathieu, par exemple. Un port à terre. Oui, Alexine Mathieu, qui est le plus bel exemple. Je parlais avec François Duguay la semaine passée. C'est sûr. Puis Lexune, c'en est un, là. C'est probablement le plus beau espoir au Québec actuellement. Tu sais, c'est terrible ce qui arrive dans son cas, là. Ben là, tous les gars, quand tu fais de la boxe professionnelle, et puis quel moindrement bon, tu penses qu'éventuellement gagner ta vie avec ça. Donc, tu sais, tu vas pas passer avec ta boîte à lunch le matin puis faire le combat le soir, là. Donc, tu travailles, c'est ton métier, et tu as de l'ambition. Et là, dans le moment, ben, tous ces gens-là sont mis de côté. On comprend l'importance de la santé publique. Et bien entendu, on a tous des familles, on a tous des gens qui ont été touchés par ça un petit peu ou plus, mais d'un autre côté, il y a le déconfinement. Alors, tout le monde a été correct pendant 3-4 mois, là, on a tous rentré chez nous, on n'a pas trop bougé. Mais là, le déconfinement se fait partout sauf chez nous. Fait que, si c'était planétaire, si planétaire, il se passerait rien. Là, tu dis, ben là, on est tous dans le même bateau. Mais là, c'est pas ça, là. Tout le monde prend de l'avance sur nous autres, alors qu'ils ont le feu vert de leur santé publique, dépendamment des pays. Puis nous autres, ben, non, c'est comme si ça prend quelqu'un, là, c'est qu'on va mettre dans le coin, t'as bonne d'armes, puis c'est nous, là, quand on est un petit peu tanné, là. Ben, c'est clair. Puis je vous comprends, puis regarde, on pourrait en parler longtemps. Hier, j'ai parlé avec une ligue de baseball, Bernard, la ligue de baseball senior du Québec, qui se sont fait aider par les gens, pour la santé publique, pour se faire partir, pour être accepté par la santé publique, le plan. Deux jours après, il y avait deux matchs de jouer, puis Arruda a décidé de fermer. Bon, mais c'est ça, mais là, comme je te dis, ça serait difficile pour moi de m'embarquer dans les deux fois, j'en ai plein mon cash avec le mien, là, c'est fait, ouais, je vois pas partir comment faire. Mais tu sais à quoi ça me fait penser, mais Bernard? Est-ce que tu es d'accord avec Régent Tremblay? Moi, je trouvais que Régent a beurré un petit peu, là, l'autre fois, quand il était dans son article dans le Journal de Montréal, qui disait que la santé publique en a une dent contre le sport de combat, pas juste la boxe, le sport de combat, puis il décidait, c'était un peu ça son article, puis il décidait que le COVID, c'était le prétexte pour arrêter le sport de combat au Québec. Je commence à comprendre que ben, c'est... Ben, écoute, j'espère qu'il n'y a pas raison, mais ça ferait vraiment chien pour tous ceux qui ont cette passion-là, parce que tu sais, arrêter la boxe au Québec, tu le sais, là, qu'est-ce qui va se passer. Ça devient de la boxe pirate, là, ça devient de la boxe de fond de cave, de la boxe de garage, parce que tu vas pas empêcher le gars qui a ça dans lui, là, le sport de combat, d'aller là puis de s'essayer. Donc, quelque chose que tu n'es pas capable d'arrêter, là, tu n'arrêteras pas ça jamais tant qu'il va y avoir deux gars sur terre, ben là, contrôle-les, là. Donc, à ce moment-là, c'est la même affaire. S'il arrive avec une patente qui va faire des mois puis des années à pas marcher, ben là, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Il va se passer des irrégularités qu'on ne sera pas capable de contrôler par ça. Puis que là, il va arriver des malheurs. Ouais. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas. Ils ont la rigide sécurité dans les sports, division sport de combat avec des gens compétents qui sont capables de gérer ça. Pareil qu'ils sont capables de gérer ça partout dans le monde. Ouais. Donc, ils ont le personnel pour ça, qui leur donne cette responsabilité-là, puis ça va marcher droit. Puis ils ont fait leur preuve. T'sais, on ne comprend pas. Dans le moment, je suis en train de me pomper, tu es en train de me pomper d'année ma vie, à peine de leur capable. Ben oui, mais c'est ça, mais c'est contre les droits. Mais là, c'est parce que. Vous faites quoi? S'il veut pas vous rencontrer, vous faites quoi? Y a-t-il quoi à faire par ça? Y a-t-il une poursuite? Je sais qu'en étant en pandémie, moi je dis que c'est pas une pandémie, là, mais ça a l'air que toutes les lois, les droits de la santé, de la liberté de la personne, c'est tout brimé. Parce que les droits de la personne, c'est tu peux pas empêcher quelqu'un de gagner sa vie. C'est ça qu'ils vous font faire un peu, mais ce serait comme suspendu à cause de la pandémie qui n'est pas une dans mon livre à moi. Là. Mais est-ce que vous allez faire de quoi? Vous allez y aller par les moyens de négociation encore? C'est quoi, là? Ou vous allez simplement... Ben, écoute, Camille Estefan, lui, regarde dans le nord du Québec. La seule chose qui est intéressante, qui est encore au moins... On peut être optimiste, c'est que depuis qu'il y a eu ça, la pandémie, ils ont pris énormément de décisions qui ont viré de bord le lendemain ou la semaine d'après. Donc, tu sais, je veux dire, ça patine sur un bord, ça patine du reculon. Donc, on se dit, à un moment donné, il y a quelqu'un là-bas là, qui va dire, la logique, c'est ça. Là. Comme je dis, tu as le choix. Là. Contrôle-les là, ou laisse-les faire. T'es laisse faire, là, watch out. Tu veux en avoir du trouble dans la vie, là, laisse faire, là, laisse-les aller. Là. Tu vas voir que, comme on a déjà vécu dans le passé. Ben oui. Je veux dire, moi, là, j'ai vécu ça à l'époque. Là. J'ai trouvé de mettre de l'ordre à bien des places dans le temps que la Fédération québécoise de boxe olympique. Parce qu'il y avait de la boxe pirate. On savait que c'était un moteur. Il avait pris une coupe de bière avant d'embarquer. Puis il n'y a personne qui checkait ça. Tu sais, je sais. Puis je nommerai pas les places, là, mais moi, j'ai toujours été mêlé à ça. Fait que, si tu veux, là, ça, là, tu peux pas arrêter ça. La boxe, ça va toujours boxer. Ça a toujours existé, puis ça va toujours exister. Donc, tu peux pas l'arrêter. Contrôle-la, puis dépêche-toi, parce que là, ça marche plus. Là. On sait que c'est des moteurs qui venaient des années 70-80. Tu le diras pas, là, mais c'est moi je vais le dire. Fait que c'est ça qui est venu au Québec actuellement. Bernard, on va checker ça de près, ce dossier-là. C'est un dossier chaud, évidemment, au Québec. Au plaisir de se parler, puis on se parle dès que l'actualité de la boxe l'exige. Ah, mais ça me fait plaisir, Danny. Bonne fin d'émission. T'as mis Bernard Barré.